Lettre 19e, Agathoclès à Phocion, Édesse, juin 301. Tout est fini, tout est dévoilé. Je vois à découvert l'abîme ouvert devant moi. Je n'ai plus rien à craindre, rien à espérer. Pour moi, Larissa est irrévocablement perdue. Les déboires les plus sains qu'elle n'ose combattre sans se rendre coupable sont entre nous. Mon sort est décidé. Lors de ma dernière lettre, je conservais encore quelque espoir. Le chagrin que me faisait éprouver la singulière conduite de Larissa me donna le courage de tenter une démarche décisive. Sa situation, la noblesse de ses sentiments m'étaient connues, mais je ne pouvais pénétrer les motifs secrets qui la faisaient agir. Je formais donc un plan qui nous aurait menés, lentement peut-être, à mon but. Mon imagination se ranimait à l'image du bonheur que je voyais dans l'éloignement. Je brûlais d'impatience de parler à Larissa, de lui communiquer mes projets, de tout concerter avec elle pour rompre le lien qui nous sépare et d'en former un éternel. Incapable de m'occuper d'aucune autre chose, je passais 3 jours entiers à méditer mon projet. Je parcourus 100 fois les jardins. Je me cachais dans les longs corridors de la maison pour l'attendre. Et toutes les fois qu'une femme approchait, je tressaillais, ne doutant pas que ce fût elle. Mais elle ne parut point, et ne se laissa voir nulle part. Enfin, j'appris par Démétrius que pendant tout ce temps, elle avait été malade et forcée de garder la chambre. Oh, Phocion ! Je me tais sur ce que j'éprouvais. 1000 idées cruelles vinrent assaillir mon âme et déchirer mon cœur. Je ne pouvais plus me contenir. Je lui écrivis. Un vieux serviteur de la maison dont j'ai gagné l'affection se chargea de remettre ma lettre. Insensé. Les dangers auxquels j'exposais cet homme, Larissa et moi-même ne s'offraient pas même à mon esprit. Je n'aspirais, je ne pensais qu'à dire à mon ami ce qui pouvait effectuer notre réunion, ce que j'avais espéré si son cœur était encore le même. Et pouvais-je en douter, d'après la forte impression qu'avait fait sur elle notre courte entrevue? Voici la copie de ma lettre. Agathoclès à Larissa. 6 jours viennent de s'écouler depuis qu'un hasard extraordinaire nous a réunis après une séparation de 8 mortelles années. Ton saisissement me fit espérer un instant que ni le temps ni l'absence n'avaient changé les sentiments de l'ami de mon enfance. Ce ne fut qu'une illusion. 6 jours m'ont entièrement désabusé. 6 jours m'ont entièrement désabusé. Larissa a pu les passer tranquillement chez elle, sous le même toit que j'habite, sans chercher à me revoir, sans penser à l'anxiété de mon âme, à mes tourments, sans avoir le désir de me consoler, ni le désir de me parler de sa situation, elle m'oublie. La tranquillité dont elle jouit, le calme de son cœur l'empêche de sentir les douleurs aiguës du mien. La curiosité d'apprendre ce qui est arrivé, pendant un si long temps, à un ancien ami, à un compatriote, n'a même aucun attrait pour elle. Larissa n'est plus que la femme de Démétrius. Nicomédie, notre jeunesse, Agathoclès, tout est disparu, anéanti. Dieu, est-il donc possible? Ah, pourquoi ne puis-je t'imiter? Pourquoi mon faible cœur conserve-t-il seul tous ces souvenirs? Larissa ne se souvient-elle plus du temps où elle était tout pour moi, où j'étais tout pour elle? Oui, j'ose te le rappeler sans t'offenser. Tu n'étais pas alors la femme de Démétrius, tu étais mon ami. Ce temps est passé, sans laisser aucune trace dans ta mémoire, semblable aux ondes du fleuve qui s'écoule. Dans le moment où un espoir trompeur me faisait croire que ma seule présence avait tout rappelé à Larissa, je fus assez insensé pour former des plans de bonheur, pour croire qu'elle voudrait les entendre, les partager, les approuver. L'âge de Démétrius, son caractère froid et sévère, inaccessible à toute sensibilité, m'inspirait cet espoir. Je voulais m'adresser à lui, lui découvrir nos relations, nos sentiments, je voulais... Ah, je comptais alors sur l'amour constant de Larissa. Comment y compter encore? À quoi bon te parler de mes projets, de mon bonheur? Tu ne m'aimes plus. À quoi bon tout ce que j'aurais encore à te dire? Adieu. Ta conduite et ta réponse, si tu me juges digne d'en obtenir une, décideront de mon sort. Si je ne t'intéresse plus, Je demanderai à ton époux de me placer dans un poste éloigné d'ici, et je ne te reverrai jamais, car je ne puis supporter le supplice de voir Larissa indifférente pour Agathoclès. » Telle est la lettre que je lui écrivis. Je passai une journée et deux nuits dans les inquiétudes les plus cruelles, sur les suites que pouvait avoir une démarche aussi inconsidérée, dont je ne reconnus le danger que trop tard. Enfin, aujourd'hui, le vieux serviteur apparut et m'a remis une réponse. Je la joins aussi à ce paquet. « Lis, Phocion, tu sentiras avec moi la perte d'un cœur tel que celui de Larissa. Cette perte est irréparable. Quelle femme, quelle compagne pour Agathoclès. L'idée du bonheur dont j'aurais pu jouir avec elle double mon malheur actuel. Je l'ai perdue à jamais. Sans elle, la vie n'est pour moi qu'un fardeau. Lis et plains ton ami. » Larissa à Agathoclès, incluse dans la précédente. Si je n'eusse écouté que le premier mouvement de mon cœur et le désir si naturel de me justifier à tes yeux, tu aurais reçu d'hier ma réponse. Mais cette réponse devait influer non seulement sur le moment présent, mais encore sur notre avenir. Elle décidera positivement des rapports qui désormais existeront entre nous. Elle ne pouvait donc être écrite sans y avoir mûrement réfléchi. Je devais chercher dans mes tristes souvenirs tout ce qui s'est passé depuis notre longue séparation, et cette tâche était à la fois pénible et douloureuse. Que de plaies cruelles vont se rouvrir. Mais il est nécessaire que tu connaisses mon histoire pour juger ma conduite et y conformer la tienne. Ce récit, que j'abrégerai cependant autant qu'il me sera possible, sera trop long pour que ma lettre puisse te parvenir aussitôt que tu l'attends peut-être. Encore une fois, tu vas accuser Larissa. Tu vas être injuste envers elle, mais Larissa t'aime et te pardonne. Tu te rappelles sûrement mon père Timantias. Tu sais combien il aimait le faste, les grandeurs, quel prix il attachait à sa grande fortune, à ses jouissances de toute espèce dont il était environné dans sa belle demeure. Enfin, à la gloire d'être l'un des citoyens de Nicomédie les plus riches, les plus considérés. Tu te souviens comment, il y a 8 ans, il fut privé, par un jugement inique, de toute sa fortune, exilé de sa patrie. Il se trouva tout à coup pauvre, abandonné, méprisé, jeté dans le monde avec sa malheureuse compagne et 3 enfants, auxquels il n'avait plus d'autre héritage à laisser que son déshonneur et sa misère. L'excès de son malheur versa dans son cœur une telle amertume, changea si complètement son humeur, son caractère, qu'il fut absolument différent de ce qu'il avait été jusqu'alors. Ce Timantias, qui faisait par son esprit, sa gaieté, sa complaisance, les délices de la société, le bonheur des siens, devint sombre, misanthrope et parfois très brusque, très impatient. Il se sauva avec nous dans les montagnes de l'Arménie, où vivait un vieux parent qui lui avait promis un asile en cas de malheur. Nous fûmes accueillis comme la pauvreté l'est par la richesse. Notre oncle ne nous plaça ni dans sa maison, ni à sa table, ni dans son cœur. Il envoya mon père comme fermier dans une de ses terres situées dans un des climats les plus rudes. Là, dut vivre un homme accoutumé au ciel délicieux de l'Asie mineure, à toutes les jouissances de luxe, au séjour d'une grande ville, alors nourri, vêtu comme un esclave, forcé de travailler de ses mains pour sa chétive subsistance et celle de sa famille. Il y avait dans cette situation trop de disparates. La dernière étincelle de courage et de patience s'éteignit au fond du cœur de mon malheureux père. L'humeur, l'impatience, le découragement amenèrent à leur suite les querelles et la discorde de notre misérable chaumière. Et là commença pour nous une vie semblable à celle dont nos ancêtres menaçaient les méchants dans le Tartare. Laisse-moi passer rapidement sur ces moments les plus tristes de ma vie. Mon séjour dans les montagnes de l'Arménie me paraît un précipice affreux que l'on ose regarder sans frémir. Enfin, après 3 mortelles années, le ciel dont nous nous étions cru abandonnés parut un peu s'éclaircir. Malgré la solitude où vivait mon père, il sut, grâce à son génie, entretenir quelques rapports avec le monde qu'il avait repoussé. Il conservait une correspondance avec un ami qui habitait la Syrie. Un jour, il entra dans notre cabane avec un visage gai et serein, tel que nous l'avions vu depuis longtemps. « Préparez tout, » nous dit-il. « Demain, nous quittons pour jamais cette misérable demeure où nous avons tant souffert. Nous craignons tellement mon père qu'aucun de nous n'osa lui demander la raison de ce changement, malgré notre curiosité. Nous obéîmes avec joie et en silence à ses ordres. La pauvreté est bientôt prête. Dès le lendemain, nous nous mîmes en route. Mon père et ses deux fils montaient alternativement un des deux mulets qui nous restaient, et ma mère et moi, nous étions dans un mauvais chariot traîné par l'autre. Ma pauvre mère. Je passe sous silence ses chagrins et ses fatigues, ainsi que le déchirement de mon cœur. Nous arrivâmes enfin à Pamé en Syrie. Mon père y loua une maison petite mais commode. Il ne nous dit point la source d'où il tirait son bien-être. Mais nous y vécûmes avec une sorte d'aisance qui nous paraissait de la richesse, comparée à notre sort en Arménie. Mon père prit un nom étranger. Il passait pour un marchand arménien. Pendant ses 3 années de séjour dans ce pays, il en avait pris l'accent et le costume, en sorte qu'il eût été difficile d'établir des soupçons sur lui. Il ne s'occupait point de commerce. À ce qu'il nous paraissait, et nous n'osions chercher à pénétrer ses secrets. Au reste, notre situation domestique aurait été supportable, pour moi surtout, dont les désirs furent toujours très bornés. Si nous avions retrouvé avec notre aisance les sentiments d'amour, d'amitié, de concorde qui régnaient jadis dans notre intérieur. Mais une fois perdus, on ne les retrouve plus. Pendant les premières années de notre bannissement, je t'écrivis à plusieurs reprises, attendant, mais inutilement, tes réponses avec une inquiétude mortelle. Je ne reçus rien de toi. Plus rien au monde que mon cœur ne me parlait d'Agathoclès. À la fin, je cessai de t'écrire, et dans l'horreur de mon chagrin, je n'eus pour consolation que la triste idée que mes lettres ne t'étaient pas parvenues et que les tiennes, adressées au coin le plus reculé de la terre, pouvaient facilement s'être perdues. Dès notre arrivée à Pamé, je fis encore des tentatives pour recevoir de tes nouvelles. Je t'écrivis d'abord directement, puis sous des adresses différentes, puis à plusieurs de mes connaissances à Nicomédie, sur la fidélité et la discrétion desquelles je pouvais compter. Mais tout fut inutile. Pendant plus d'une année, je vécus entre l'espérance et le découragement. Je ne reçus de réponse de personne. La mort ou un oubli total de ta part furent alors les seules possibilités entre lesquelles j'eusse à choisir. Et l'une ou l'autre était également cruelle pour un cœur froissé, déchiré. Soumise de nouveau avec une entière résignation à l'idée d'avoir perdu tout espoir, je traînais patiemment ma triste existence. Plusieurs étrangers avaient un libre accès dans notre maison, soit relativement aux occupations de mon père, soit à cause du goût qu'il avait repris pour la société. La plupart de ces hommes n'étaient pour moi que des figures passagères, insignifiantes et qui ne m'inspiraient aucun intérêt. Cependant, dans la foule de ses visites et de ses connaissances, je distinguais peu à peu 2 personnes. L'une d'elles était un vieillard respectable, de près de 70 ans. Il s'appelait Théophon. L'autre, nommé Apalès, était dans la force de l'âge. Il avait près de 40 ans. On trouvait chez tous les deux le feu, la sensibilité de la jeunesse, joint à la solidité de l'âge mûr. L'un et l'autre étaient remplis d'esprit et d'instruction, fait pour intéresser tous ceux qui les entendaient. Mais ils avaient à mes yeux un attrait de plus, c'était une douce gaieté, accompagnée d'un calme parfait, qui adoucissait chez Théophon l'austérité de la vieillesse, et tempérait chez Apelles la vivacité et la force. Ils me furent chers, tous les deux. Je trouvais dans leur entretien, dans leur amitié, une source de consolation. Apelles m'instruisait en me racontant, avec tout le feu d'une imagination brillante, ce qu'il avait vu et fait pendant ses longs voyages. Théophon, avec sa profonde sagesse, m'inspirait du calme, de la résignation. J'eus bientôt l'occasion de me convaincre que leur vertu n'était pas seulement dans leurs discours, mais qu'elle se montrait dans toutes leurs actions, avec amour pour tous leurs semblables, avec dévouement, bienveillance, avec un zèle actif et non interrompu pour tous les malheurs qui ne réclamaient pas en vain leur secours. Je m'efforçais alors de profiter, autant que possible, de leur société. Lorsqu'après 4 années de douleur et de peine, j'avais passé une journée sans que mes larmes eussent coulé, je puis le dire avec vérité, j'éprouvais un sentiment de contentement intérieur, et souvent leur aimable et sage entretien produisit cet effet. Enfin, je me décidai à ouvrir en entier mon cœur au sage Théophon, à lui confier non pas mon nom véritable, mon sort, c'était le secret de ma famille, mais pour relever mon âme abattue, pour fortifier mon courage, mon amour sans espoir. Ah, que ne puis-je, Agathoclès, procurer à ceux qui souffrent comme moi les paroles de paix qui coulèrent des lèvres de cet homme respectable. De telles consolations, de telles espérances, de tels encouragements ne peuvent être donnés que par ceux qui sont initiés dans les mystères où Théophon puise sa doctrine, son éloquence si douce, si forte, si persuasive. Il détourna mon esprit des erreurs de ma jeunesse. Il me fit voir dans l'avenir et au-delà de ce monde fugitif un tableau de bonheur pur et céleste que ni les opinions de la religion dominante, ni les systèmes de la philosophie n'auraient pu me faire trouver. Il me fit voir à moi, pauvre infortuné, qui n'avait plus rien à espérer sur cette terre, les jouissances durables d'une meilleure vie, promises à ceux qui savent supporter les longues peines de leur courte existence. Je devais retrouver là les objets de mon affection, les retrouver pour ne plus les perdre. Ni la mort, ni l'absence ne m'en sépareraient plus, et en présence de l'Éternel, dans la contemplation de sa grandeur immuable, devait commencer une vie de gloire qui n'a de borne que l'éternité. Ô toi, l'ami de ma jeunesse, pense à cette vie, à cet espoir. Comment un cœur brisé, dont les tourments ne devaient cesser que par la mort, aurait-il pu refuser de croire à une doctrine aussi belle, aussi consolante? Je la reçus avec joie et conviction. J'allais bientôt plus loin, guidé par la sagesse de Théophon, entraîné par l'éloquence d'Apelles, je fis de grands progrès dans la connaissance de la vérité et dans les grands mystères qu'il m'enseignait. J'appris, comme eux, à ne voir dans mes semblables que les enfants d'un même père. J'appris même à aimer mes ennemis, à prier pour ceux qui m'avaient rendu malheureuse. Mon cœur prit son essor, mes idées sur l'humanité, sur sa destination future s'éclaircirent et s'élevèrent. Les images trompeuses de divinités avilies, auxquelles je ne croyais depuis longtemps que par obéissance et non par persuasion, disparurent entièrement à mes yeux. Un seul Dieu, tout puissant, tout sage, tout bon, gouvernant et protégeant le monde, eut seul mon adoration. Le Tartare et l'Élysée n'existaient plus, mais cet esprit, immense dans sa bonté comme dans sa puissance et sa justice, récompensait ou punissait, après la mort, chacun d'après ses actions. Ceci et bien d'autres mystères qu'il ne m'est pas encore permis de te communiquer me furent dévoilés par Théophon et par Apelles. Je devins chrétienne, car tu le sauras, ces deux hommes sont de la secte de ceux qui prêchèrent, il y a environ 2 siècles, en Palestine et en Syrie, la doctrine de son divin fondateur qui fut persécuté, méconnu, poursuivi, et devint enfin la victime de ses ennemis, parce qu'il voulut l'être. Mais encore une fois, Agathoclès, je ne puis à présent te développer ce grand mystère d'amour et de charité que j'adore sans le comprendre. Tu n'es pas chrétien, toi, si digne de l'être. Et moi, Agathoclès, j'ai le bonheur d'être chrétienne. Cette doctrine, qui me remplissait de terreur avant de la connaître, me remplit maintenant de joie et d'espérance. Je l'ai embrassée avec ardeur. Oh, mon ami, la religion chrétienne est celle des malheureux. Chacun peut s'y réfugier. Elle est un baume pour chaque plaie de l'âme, pour ces plaies cruelles que la main de l'homme ne saurait guérir. Et s'il nous impose des obligations sévères, elle nous donne aussi, par l'étendue de ses droits, un sentiment élevé de notre dignité, une grande confiance en nos propres forces, car nous sommes enfants de Dieu. Elle nous donne, par l'usage de nombreuses cérémonies à la fois touchantes, mystérieuses, les plus douces consolations, et un courage si fort au-dessus du courage humain, que le vrai chrétien sera toujours en état de supporter les fardeaux dont il peut être accablé, ou ceux que sa religion lui impose. En voilà sans doute assez sur les motifs qui m'engagèrent à embrasser cette sublime religion et sur les changements qu'ont dû subir mes idées. Je ne cherche pas à faire de toi un prosélyte, je veux seulement te raconter tout avec vérité, afin que tu puisses juger après cela de ma conduite. Ma mère fut ma confidente. Les mêmes raisons qui m'avaient appelé dans le sein du christianisme se firent bientôt sentir à son cœur. Elle cherchait aussi un soulagement à ses peines journalières. Elle le trouva comme moi. Nous fûmes baptisés l'une et l'autre par Théophon, l'un des anciens de la commune, et reçus au nombre des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Mon père n'était rien moins qu'un païen zélé, il était trop éclairé. Mais d'après l'exemple de la cour, il méprisait plus encore la religion chrétienne. Il disait qu'elle n'était qu'à l'usage des pauvres, des malheureux. Et il ne voulait plus être ni l'un ni l'autre. Il ne fut point instruit de notre démarche, ce qui fut très aisé puisqu'il était absent la plupart du temps, et qu'en général il s'occupait fort peu de nous. Nous fûmes donc libres, ma mère et moi, d'assister en secret aux assemblées de notre église, aux agapes, usage digne de respect, et qui t'en inspirera quand je te raconterai que toute la communauté, sans distinction d'état ni de rang, s'assit à la même table. Les riches fournissent les mets, les partagent, les mangent avec les plus pauvres. On fait ensuite des contributions charitables. On prend ensemble des arrangements pour offrir quelques soulagements à ceux qui ont besoin de secours. Je dus encore à ma religion nouvelle et à ces saintes assemblées le premier bonheur de la vie, une amie suivant mon cœur. Je distinguai bientôt dans nos rassemblements une femme du mérite le plus distingué, Giunia Marcella, qui jouit de la plus grande considération à Apamée. À l'âge de 28 ans, veuve d'un mari adoré, mère de 6 enfants en bas âge, jouissant d'une fortune considérable et des avantages d'une figure céleste, elle s'est vouée à l'éducation des orphelins et des enfants pauvres de la communauté. Elle consacre sa vie à ce noble emploi. Je me liai intimement avec elle. Ce fut avec l'aide de cette âme toujours ouverte aux maux de ses semblables, à la fois courageuse, sensible, que mon cœur si longtemps abattu se releva. Je trouvai enfin ce qui m'avait manqué depuis notre séparation, une amie qui m'écoutait, qui me comprenait, à qui je pouvais confier entièrement les secrets de mon cœur, parler librement de mille nuances que la différence d'âge, de sexe et ma timidité m'avaient obligé de cacher à Pélès, à Théophon et même à ma mère. Si tu savais combien je me trouvais heureuse avec Giunia, combien mon cœur se ranima, comme tous ses discours, toutes ses actions me prouvèrent d'une manière incontestable la vérité, la sublimité de notre religion. Ce fut chez elle que je vis Démétrius pour la première fois, chrétien lui-même, et commandant alors les troupes en Syrie. Giunia possédait encore assez de charme pour captiver ce guerrier respectable. L'espoir d'obtenir sa main l'avait attiré à Apamée, mais irrévocablement décidé à ne vivre que pour ses devoirs religieux et charitables, elle refusa les propositions de Démétrius, qui fixa son attention sur moi. Mon extérieur simple, sérieux, parut lui promettre ce qu'il désirait trouver chez sa compagne. Il chercha à se lier avec mon père, à s'introduire dans notre maison. Mon père était alors malade. Des malheurs réitérés, des passions fougueuses avaient consumé ses forces. Il ne put se remettre. Nous vîmes qu'il touchait au terme de la vie. La manière dont il était soigné fit espérer à Démétrius une même conduite de ma part à son égard, soit dans les infirmités de la vieillesse dont il approchait, soit qu'il reçût quelques blessures. Il se décida donc à faire demander ma main à mes parents par Apelles. Mon malheureux père, qui ne connaissait que trop la situation cruelle où serait sa famille après sa mort, l'abandon où il allait nous laisser, vit dans cette demande un bonheur surnaturel qu'il n'aurait jamais osé espérer. Il donna son consentement, et après tous les arrangements préliminaires avec Démétrius, il me fit appeler pour m'annoncer ce qui m'était réservé. J'en fus effrayé, désespéré. À genoux devant mon père, je le suppliai de retirer sa parole. Irrité de mes prières auxquelles il n'était pas habitué à céder, il exigea mon obéissance. Dieu, quel sacrifice mon père demandait à sa pauvre Larissa. Le mariage à Agathoclès est, chez les chrétiens, indissoluble, sacré. Je frémissais à l'idée de former ce lien avec un homme que je n'aimais point, tandis que tout mon cœur appartenait à un autre. Je tombais malade. Théophon, Junia venaient souvent me visiter. Je leur confiais mes chagrins. Junia, pensant encore au bonheur de son mariage, et sentant combien je serais malheureuse, s'offrit de parler à mon père. Théophon, Apelles, me promirent aussi leur secours. Ils firent ce qu'ils purent. Jamais mon cœur ne l'oubliera. Mais lorsque tous les moyens de fléchir mon père furent inutilement épuisés, ils entreprirent de me préparer à la grande épreuve où Dieu m'appelait. Le vénérable Théophon versa tant de consolations dans mon âme tremblante que j'eus enfin la force de venir auprès de mon père mourant, de lui obéir et de me sacrifier ainsi pour ma famille. Je devins la femme de Démétrius. Jusqu'ici, je n'ai aucune raison de regretter une démarche approuvée par la divine providence et qu'elle a récompensée par le bonheur de mes frères, par la tranquillité que cette union a répandue sur les derniers jours de mes parents, enfin par celle que j'éprouve moi-même dans le libre exercice de ma religion. Oh, Agathoclès, combien j'eus besoin d'être de cette religion qui m'apprenait à pardonner. Après la mort de mon père, je trouvai parmi ses papiers toutes les lettres que je t'avais écrites. La franchie à qui je les confiais, gagnée par mon père, les lui avait remises. Il me l'avoua les larmes aux yeux, et m'apprit la haine invétérée de mon père contre le tien, l'impossibilité où il était de supporter l'idée d'une alliance avec lui. Il attribua à ton père, sinon sa perte entière, du moins une nonchalance impardonnable pour le sauver. Seulement alors je sus pourquoi, depuis 5 ans, je n'avais aucune nouvelle de toi. Je fus tranquillisé, il est vrai, par l'idée que tu ne méritais aucun de mes reproches si souvent répétés. Mais une aussi longue séparation, une ignorance aussi complète de mon sort, avait dû nécessairement affaiblir ou détruire les liens qui te retenaient à Larissa. J'en étais convaincu. Je me promis cependant de ne plus rien tenter pour me rappeler à ton souvenir. J'étais mariée, chrétienne, la femme d'un chrétien. Dans le christianisme, je crois te l'avoir dit déjà, le mariage n'est point une simple convention, c'est un serment prononcé en face de Dieu, reçu, béni par son ministre, de ne jamais se séparer, de partager ensemble le bien et le mal. Ainsi donc, non seulement le divorce est interdit, mais un sentiment vif pour un autre objet est un crime. L'âme d'une chrétienne mariée doit être entière à l'époux que le ciel lui a donné. Je suis obligé de te répéter cette vérité, Agathoclès, afin de te mettre à même de juger ma conduite depuis l'instant de notre entrevue. Ta lettre m'a attendri. Toi, l'ami de ma jeunesse, ne crois pas que tu puisses jamais m'être indifférent. Si mon Dieu et mes devoirs me sont seuls plus chers que toi, ils ne me défendent pas du moins de me justifier à tes yeux, ni de chercher par mon amitié à adoucir ton chagrin, à ranimer tes forces pour t'engager à supporter avec résignation l'obstacle insurmontable qui doit nous séparer à jamais. Pense, mon ami, aux belles doctrines des sages que nous admirions autrefois ensemble. Rappelle-toi les résolutions que tu formais alors, avec tant d'ardeur de surmonter par le courage toutes les épreuves de cette vie et de maîtriser tes passions. Ah, que ne puis-je te dire à ce sujet ce que ma religion m'inspire, que ne peux-tu le comprendre? Je veux aussi te tranquilliser sur ma situation. Apprends que l'idée que tu as pu te former du sort de la femme de Démétrius est absolument fausse. Je ne suis point malheureuse. Mon époux me respecte, m'estime. C'est te dire la manière dont on me traite dans ma maison. Il n'exige pas plus d'amour de ma part que moi de la sienne. Et croisant mon expérience, l'amour n'est pas nécessaire au bonheur. Je suis contente de mon sort. Le seul souhait que j'ai maintenant à former est de te voir tranquille. Crois-tu d'y parvenir mieux en t'éloignant? Eh bien, pars. Fais les démarches nécessaires. Pars, mon ami. Fuis des lieux qui renferment des souvenirs cruels et des sentiments qui deviendraient coupables. Lorsque tu seras parvenu à l'état de calme que je te souhaite, laisse-moi jouir de cette consolation. Apprends-le-moi. Et sois sûr que cette douce idée contribuera beaucoup à ma félicité. Adieu, cher Agathoclès. Ne réponds pas à cette lettre. Cela n'est ni nécessaire ni prudent. Crois-moi, il est dangereux de parler souvent de ces sentiments. Le Dieu qui a dirigé notre sort d'une manière si étonnante, qui a permis que nous nous revissions encore, et sois sûr que c'est pour notre plus grand bien, puisqu'il l'a voulu, malgré ce que nous souffrons, ce Dieu, que j'invoque avec ardeur, t'accompagnera, te conduira. Partout où tu porteras tes pas, mes prières, mes vœux te suivront aussi. Et si le plus ardent de tous mes souhaits s'accomplit, si la doctrine chrétienne peut émouvoir ton âme et la convaincre, à combien alors je bénirai le douloureux moment de notre rencontre et les mots qu'elle m'a coûtés. Adieu, toi, l'ami de Larissa. Agathoclès à Phocion. Voilà la longue lettre de Larissa. Quelle douce mais triste occupation de te la copier. J'ai pesé ainsi sur plusieurs passages que ma douleur m'avait empêché de saisir d'abord. Il me prouve qu'elle ne m'a pas oublié, et qu'elle m'aime encore autant que je l'adore. Mais je ne peux ni ne dois lui répondre. Que pourrais-je lui dire? Je suis incapable de tout. Je ne puis que sentir la pertinence irréparable que j'ai faite. Chaque ligne et chaque mot de cette lettre me l'a rendue plus sensible. Avoue, Phocion, qu'une religion capable d'inspirer à une femme autant de courage et de constance pour remplir ses devoirs doit être bien sublime. Dans ce moment, je la déteste, puisqu'elle me prive de tout espoir, et cependant je suis forcé de l'admirer. Adieu, Phocion. Lorsque je serai plus maître que moi et de mes sensations, lorsque je pourrai réfléchir librement, lorsque des espaces immenses seront entre moi et Larissa, je t'écrirai, si je le puis, jusque-là. Adieu.